ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، سنتناول في خلال هذه الخطبة والتي تأتي بعدها شيئا من الدعاء مقارنة بالقضاء والقدر واتخاذ الأسباب. Mes chers frères et mes chers sœurs, durant cette khutbah et celle qui va venir, on commentera, on parlera, on évoquera l'invocation et la prédestination. Il y en a beaucoup qui croient que le fait de faire une invocation, c'est aller à l'encontre de la prédestination. Il y en a aussi qui croient que le fait de ne pas prendre les causes, c'est ne pas compter sur Allah. C'est le nom de la nas, un bel homme qui te dit, et regarde le qadar ou le qadar fa'il. Ou nous, l'akhar, il dit que là, nous allons dire sur l'asbab. Il y en a qui ont dit que l'asbab, il y a un qadar pour lui. Mais il y a des gens. Alaykoum salam wa Allah. Il y en a qui vont te dire non, il ne faut pas prendre les causes. Parce que si tu prends les causes, tu ne verras pas la grandeur et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui parle comme ça, c'est un ignorant. Ou bien celui qui te dit, en faisant les du'as, on va changer ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous avait écrit. Là, tu ne changes rien du tout. Na'am. Khalaqa rabbuna as-samawati wal-ard. نعم، خلق ربنا السماوات والأرض بالحق رحمة لنا ثم أرشدنا لما فيه سعادتنا وفوزنا. كيف أحد يعرف الحديث؟ في الدنيا والآخرة. فقال سبحانه وتعالى يأمرنا باتخاذ الأسباب، واتخاذ الأسباب أمر من الله. Allah subhanahu wa ta'ala t'oblige de prendre les causes, de faire les causes. Et à chaque cause, conséquence. À chaque action, réaction. On vit pas sur la planète Mars. On vit sur Terre. Laisse Rabbi subhanahu wa ta'ala nzil alayna Qur'an. Warsal ilayna Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le Coran? Pourquoi il a fait descendre sur nous le Coran et il a envoyé un messager qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans parler des autres fils qui sont passés avant lui, sans parler des autres prophètes qui sont passés avant lui, alayhi wa sallam, jami'an. Ou la vraie hadith, l'ishbah, pour qu'on pose ça ici sur une bibliothèque, on dit ma'ashallah. Là, on n'a pas besoin. Allah subhanahu wa ta'ala, ماذا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ وقل ربي زدني علما. نعم، dans ce verset là Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au messager et le messager nous enseigne en disant ô mon seigneur, accrois mes connaissances. L'insan jahil labud an yata'allam, labud an yata'allam anna Allah علمه لا يزداد وعلمه لا ينقص. هذه عقيدة. La science d'Allah subhanahu wa ta'ala ne commence pas. La science d'Allah subhanahu wa ta'ala ne diminue pas. Si on dit que la science d'Allah augmente, ça veut dire qu'il était ignorant auparavant. Si on dit que la science d'Allah diminue, ça veut dire qu'il oublie. وما كان ربك نسيا. أما أنت الإنسان الضعيف المسكين تنسى، لابد أن تتعلم، لابد أن تراجع معلوماتك، toi tu oublies. C'est pour ça que tu es constamment en train de faire des révisions. Celui qui connaît le Coran par cœur, il est obligé régulièrement de réviser tous les jours, sinon il a oublié. Allah subhanahu wa ta'ala, la yansa abadan. Allah subhanahu wa ta'ala n'oublie pas. On avait évoqué la semaine dernière, on avait dit qu'une personne qui vivait tant, 80, 70 ans, 50 ans, si tu lui poses la question, qu'est-ce que tu as retenu de toute cette vie-là que tu as vécu? Bouchka, tu étais mort, bouchka. Il faut le tarikh ta la esta'i, ou tarikh ta laoula tizadu, tarikh ta jiddi ki twata, ça ne m'aide pas de faire. Mais je ne sais pas de faire. ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ربنا يعلم كل شيء يعلم أفعال العباد من أوله إلى آخره الله سبحانه وتعالى يكون toutes choses يكون les actions de tout le monde du premier homme au dernier homme ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants et ceux qui vont venir après nous regarde la grandeur d'Allah regarde la puissance d'Allah سبحانه وتعالى نعم وقل ربي زدني علما وقال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله le premier verset qu'on a récité qu'est-ce qu'il a à voir avec la dua bien voir نعم l'invocation le prophète عليه الصلاة والسلام qui a été choisi il demanda à son Seigneur augmente-moi accroche-moi dans mes connaissances هل استخدم بالأسباب نعم Il a fait sa même, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième verset de Surah al-Jumu'ah. فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ Dans ce deuxième verset, puis quand la prière est achevée, dispersez-vous sur la terre et cherchez de la grâce d'Allah. Cherchez, سَدَّتْ حَرَّكَ سَحْرِي حَرَّكَ وَلَا تُبَعَدُ تَقُولْ لَا ذَكَرْ بِيرْزَعْ أنا الأسباب يفو بوجه إساسا تفيد الأسباب نعم أكتمي وظنوك درسي الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور dans ce verset de surat al-mulk Allah سبحانه وتعالى nous dit dans le verset rapproché relatif c'est lui qui vous a soumis la terre parcourez donc ces grandes étendues Mangez de ce qu'il vous a fourni vers lui et son retour, ou vers lui et le retour. Naam, il s'agit de l'asbab, hawa subhat. Wa qala ta'ala, qul, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Dis-leur, ya Rasulullah, dis-leur à ces gens qui t'écoutent. Est-ce que celui qui sait et celui qui ne sait pas sont égaux? Le savoir, l'ilm. تعلم كل شيء اذا كان عندك وقت باش تتعلم تعلم si tu as le temps pour apprendre apprends toutes choses rien ne t'empêche t'aimes bien les langues apprends les langues t'aimes bien je sais pas moi la menuiserie apprends la menuiserie t'aimes bien manger t'aimes bien faire la cuisine apprends à faire la cuisine apprends ظاهر هذه الايات وامثالها كثير في القران حتى على العلم والعمل معا dans le Coran on peut s'apercevoir qu'il y a beaucoup de versets similaires à ceux qu'on a cités mais comme on ne peut pas tous les citer on en trouve toujours un, deux, trois mais dans le Coran il est rempli où Allah subhanahu wa ta'ala nous incite à la science avant l'acte avant de passer à l'acte وَبَوَّدَ الْبُخَارِ فِي كِتَابِهِ صَحِيحِهِ وَفِقْهُ الْبُخَارِ فِي صَحِيحِهِ بَابٌ الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ والعمل البخاري سنن فان عرب ليس بعربي عجمي فأنت من أين تأخذ علمك من صحيحه دسو صحيح premier chapitre le chapitre de la science avant l'acte et la parole قبل ما تتكلم قبل ما دير أي حاجة اتعلم أن نحن اليوم لا ننذر وطبقوا ما كان لا علم ولا مصدر ولا أساس ولا أصول ولا أي شيء نو في دي شوز دون لا ريليجيون اون بليز نو تيست دو نول بار ني دو قران ني دو لا سنه اون ا اوكين باز اي ابري اون سونتون سي سكون انتون des plaintes à droite à gauche. Il y a les responsables de la mosquée ici, pour vous donner un petit exemple. Ils ont dit aux frères qui ont des voitures, ou aux sœurs qui ont des voitures, il y a un parking du centre commercial qui est gratuit pendant 2 heures. Pourquoi vous n'allez pas poser vos voitures dans le centre commercial? Ou bien vous voulez qu'on demain on vienne nous fermer la mosquée? Subhanallah, il y a des plaintes déjà qui sont faites. كان شكاوى الناس ديال الشكوك كيلو بلي كيف هذا ماشي عمارة مزيان منظمين سيارة درنا لكم باركين باطل زوج ساعات باش تحط سيارتك تماك تجي تحطها هناك تنقوم غير الباساج ايش هذا؟ ليش ما نتنظموش؟ ليش دايما نقولوا لا ميم شوز وما نتنظموش؟ سبحان الله il y a un parking commercial il est juste ici là pendant 2 heures c'est gratuit tu veux pas payer 15 francs ou 20 francs pose ta voiture là-bas. Ne viens pas encombrer, s'il y a des commerçants, ici c'est leur endroit pour poser leurs marchandises. Mais des fois on parle, mais il n'y a rien. Ah, subhanallah. Le jour où après la mosquée avec ça, vous allez pleurer. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا. Si vous comptabilisez les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne pourrez pas les compter. C'est un bienfait que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné dans cet endroit-là. On va le fermer à cause de quoi? À cause de 2-3 qui ne veulent pas écouter. قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Quel n'est-ce qu'ils tellement fait humour? هذا المخرج من هذا الموضوع. Ils tellement fait humour. ما على بالوش بلي هم يتكلمون في أمور خطيرة. لأن الناس جهال. ليش ما تتركش يعني هذا العلم العلماء؟ Des fois, il y a des gens, ils rentrent dans des débats, ils veulent converser dans des débats, ils n'ont pas le niveau. Il laisse pas la place des savants. Et après, quand ça fait des problèmes, il s'étonne. Subhanallah. Une fois, il y a un frère comme ça, il s'est fait embarquer. Il s'est fait embarquer par la police. Il est resté combien en prison? 1 an. Avant d'avoir passé ce délai-là, il y a un frère qui m'a dit, ouais, mais ce qu'il regarde, ils l'ont pris, ils l'ont embarqué, ça se fait pas. Ça, c'est des hommes, c'est de la justice. Je lui ai dit, non, mon frère, s'il l'a embarqué, c'est qu'il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose. Un mois après, qu'est-ce qu'ils ont découvert chez lui? Ils ont découvert qu'il avait 20 passeports et une trentaine de cartes d'identité fausses. Eh, attends, l'islam, Adam. Ils ont trouvé chez lui quoi? 20 passeports et 30 cartes d'identité volées. Ils faisaient du trafic de passeports et de cartes d'identité. T'inquiète pas, s'ils s'embarquent, ils savent pourquoi ils s'embarquent. S'ils s'embarquent, ils le savent. Si toi tu le sais pas, c'est pas grave. Mais eux, ils savent pourquoi ils s'embarquent. Eh, Adam, c'est ça l'islam? Après on va dire, ouais, ils sont injustes. Dis-le-la. Inch'Allah. Tlajbna. Joue pas avec le feu, tu vas finir par te brûler. Joue pas avec le feu. Ça c'est une petite parenthèse. Mais des parenthèses, il y en a beaucoup. Mais c'est pas le plus important. Na'am, on continue. On est dans le ma'loum. أن العمل بدون العلم لا يأتي ثمارا يانعة فالعلم مقدمة للعمل الصالح للمنتج الخير للمنتج البركة. نعم la science c'est une prédisposition à l'acte. Tu ne peux pas faire un acte sans science, sinon tu vas faire plus de dégâts qu'autre chose. Et on les a vus aujourd'hui, les gens qui font des actes sans science, qu'est-ce que ça donne? نعم ولذلك نجد دائما في القرآن والحديث ما يحث على الأخذ بالأسباب ثم توكل على الله عز وجل قال سبحانه وتعالى على مثل بعض رسله. Et on voit bien aussi que dans le Coran ainsi que dans le hadith sahih que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète alayhi salatu wa salam évoque toujours donc de mettre une chose en application avec science. والتوكل على الله. التوكل على الله c'est quoi? C'est mettre sa confiance en Allah. C'est mettre sa confiance en Allah. Tu fais une chose et tu mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala avant toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا. هذا كلام الأنبياء وكلام الرسول وكلامنا. Ça c'est la parole des prophètes et des messagers. Et ça doit être aussi notre parole. Où Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit ici courions-nous à ne pas à ne pas mettre notre confiance en Allah alors qu'il nous a guidés sur les sentiers, sur nos chemins. Dis le hajj, wa-tawakkal 'ala Allah, mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Les épreuves, elles sont dures. T'as toute une vie pour remarquer. Mais les épreuves, elles sont là. Bien sûr, il faut minimiser. Il faut minimiser ces épreuves. Une épreuve, elle vient, c'est pour un bien pour toi. C'est pour te nettoyer. C'est pour te nettoyer, te purifier de peut-être un péché que tu avais fait ou des péchés que tu avais fait. C'est pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. ربي سبحانه وتعالى يحب لك الخير ما يحب لك الشر اذا صارت لك مصيبه باش ينقذك قبل ما تلحق عنده ورانا شفناها ناس صالحين طيبين ولا نزكي على الله احدا كل حياتهم صحاح لبس بهم قبل ما يموتوا ب 15 يوم 20 يوم 10 ايام تلقاهم سواء بالمرض شديد هم بعدين يموت بالراحه يعني يموت بالراحه كما يقول لك هنا الموت تاتي راحه تلقاه يعني يومين قبل ما يموت يرتاح وتلقاه يعني وجه حمر وفرحان وتقول خلاص الحمد لله ربي نزل عليه الشفاء وبرا هو رايح هو لا هو رايح يلقي مولاه نعم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وقد جعل سبحانه وتعالى فوز الإنسان في الآخرة متعلقا بالإيمان به والعمل الصالح في الدنيا قال سبحانه وتعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك suis ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur. Hada li Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ce message s'adresse uniquement au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non! Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre exemple. Inna lakum fi Rasulillah uswatun hasana. Vous avez un bel exemple dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wajdar n'golo. Ce qu'il a fait, on fait. Ce qu'il a dit, on dit. On ne fait pas de notre fête. اما حاجه يعني توافق عقلنا نديروها وحاجه ما توافق عقلنا ما نديروهاش لا on fait pas ce que par exemple notre raison nous dit de faire parce que c'est bien par rapport à notre raison on le fait est-ce qu'il n'est pas bien on le fait pas لا قد يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم عقلك il se peut que le hadith du prophète عليه الصلاه والسلام il va à l'encontre de ta raison tu vas mettre quoi en premier tu vas mettre la raison ou bien le hadith du prophète عليه الصلاه والسلام tu vas mettre le hadith du prophète عليه الصلاه والسلام ماذا تقدم قول عقلك ولا قول الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس كتاب الرمان يقول لك لا من انت انا نقول لك قال الرسول انت تقول لي عقلي اتبع المتابعة اتبع ما اوحي اليك من ربك فهذا امر باتباع ما انزل الله ثم امر ربنا بالاستقامة ينفذ ذا Allah subhanahu wa ta'ala nous oblige de suivre donc le suivi ou l'istiqam à la droiture, d'être constant. C'est pas un jour c'est droit et un jour c'est m'aouj. Un har rak mashallah mustaqim ou un har tani rak m'aouj. Là, tu es droit à la constance. Être constant dans ce que tu dis, dans ce que tu fais. Ça y est, si tu es convaincu que cette vie elle est que passagère, tu vas passer un jour dans le trou et tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. 60, 70 ans, 80, 100 ans, 150 ans. وَإِنَّ عِشْتَ يَعْلِنَا عَيْشَا لَبُدَا أَنْ تَمُوتَ Tu le sais. Tu sais que tu es en train de préparer ta demeure au paradis. Sans oublier, bien sûr, merci Bakana Dunia. C'est dans la vie terrestre. Il faut aussi ne pas l'oublier, celle-là. Mais là, tu as quitté cette terre. Tu le sais. T'es convaincu. Khlas. Moi, j'ai trouvé mon salut, j'ai trouvé ma voie. C'est ça l'istiqama. Naam. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْ Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ici au prophète, demeure sur le droit chemin comme il t'est recommandé. Naam. والنتيجة, et le résultat de tout ça, c'est quoi? ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Le résultat, rentrez au paradis pour ce que vous avez fait, en récompense de ce que vous avez fait. Tu vois? Et le résultat, c'est quoi? Le paradis. شكون اللي فينا ما يحبش الجنة؟ اللي تقول لي لا انا راني نعبد ربي ما نحبش الجنة. ومن خفت من النار هذا الجهل المركب هذا يسموه فالسنين يغا فولونتير كيف تيجي نو ما جادور الله سبحانه وتعالى سي با بور سون باراديس ها او بيان ما جادور الله سبحانه وتعالى سي با باسكو جي بور دو لونفير جادور الله باسكو جيم الله Les prophètes, كانوا يدعون الله رغدا ورهبا. Les prophètes, عليهم الصلاة والسلام, يدعوا رب العالمين يخافوا من النار. يخافوا من النار. Les prophètes, ils avaient peur de l'enfer. تقربوا قليلا بارك الله فيكم تقربوا قليلا غفوش الله فيكم تسغل يغن جزاكم الله بخير فاستقم كما أمير وبعد ما دقنا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون اكتدي غفري وفغادي فغطوها في الدرسي والباء هنا باء السببية نعم لا رانا في خطبة بارك الله فيكم الحاج رانا في الصلاة حبيبي بارك الله فيك خلي الشيطان يدخل من هذا الباب ويوسوس لك وما تستفدش نعم والباء هنا باء السببية لو باء dans ce verset là بما كنتم تعملون pour ceux qui ont fait de la langue arabe ils vont savoir que ce باء c'est باء السببية c'est le باء de la cause à cause de vos œuvres en conséquence voilà le paradis نعم باء السببية فدخول الجنة بسبب العمل الموافق للأمر الإلهي نعم في الاتباع كما أن الله جعل دخول الكفار النار بما قدموا من سيئات et comme الله سبحانه وتعالى a promis aussi aux gens de l'enfer un enfer qui les attend très prochainement à cause de ce qu'ils ont fait إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون الله سبحانه وتعالى il est juste il n'est pas injuste Celui qui méritera le paradis, il retrouvera au paradis, ce sera du fait de l'Allah wa rahmatih. Amma alladhi dakhala an-nar fa bi'adlihi, fa bi'adlillah. C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Celui qui mérite l'enfer, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a jugé et il méritait l'enfer. Tandis que celui qui rentre au paradis, c'est bi rahmatihi, wa bi fadli, c'est par la grâce d'Allah et la miséricorde d'Allah. Bien sûr. Tu me dis, mais alors depuis tout à l'heure, quand on nous dit qu'il faut faire des actes, il faut faire des actes, il faut faire des actes, et là maintenant tu dis qu'on rentre au paradis, mais c'est pas à cause des actes, tu dis que c'est par la miséricorde et la grâce. Là tu te contredis quelque part. Là, elle lui a dit quoi, barakallahu fikoum. Je ne me contredis nulle part. Pourquoi? Parce que en faisant, tu vas gagner la miséricorde et la grâce d'Allah. Si tu ne fais pas, avec la miséricorde ou la grâce d'Allah, gamma tu fais, ma tatna fais. Ça me tourne mortel? Si tu fais, Allah subhanahu wa ta'ala sera au-dessus de toi, il va te donner de sa miséricorde et de sa grâce. Si tu ne fais pas, ma gauche, ah non, moi je ne fais pas, mais je vais avoir la grâce et la miséricorde. Non, tu ne l'auras pas. C'est en faisant que tu acquiers la grâce et la miséricorde. Mais c'est quand même par la miséricorde et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu seras le jinnah. C'est tout ? On a dit que nous avons dit qu'il y a un amal, nous avons dit qu'il y a un amal. On a dit que nous avons dit qu'il y a un amal. Tu ne te dis pas وبفضل ربي كيف عمل العمل ولا الفضل لا انت اعمل باش ربي سبحانه وتعالى يرحمك اعمل وكي تعمل تعمل تعمل وبعدها هنا ربي سبحانه وتعالى يرحمك ولكن ما تقول هنا بسبب عملي اللي دخلت الجنة نعم قال تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور الله سبحانه وتعالى s'adresse à nous pour nous faire peur et pour nous mettre en garde de l'avenir de ces mécréants qui est ainsi nous les rétribuons par leur mécréance serions-nous sanctionnés un autre que le mécréant Allah subhanahu wa ta'ala il ne punit pas le bon il punit le mécréant celui qui est bon il ne punit pas non وقانون السببية لم يقصه ربنا سبحانه وتعالى الآخرة بل جعله قاعدة للناس في الدنيا أيضا قال سبحانه وتعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور Et puis ces sentences ou bien ces plaisirs que Allah subhanahu wa ta'ala peut donner aux croyants comme aux mécréants il est dans sur terre avant wa alaykum salam avant même le paradis ou l'enfer c'est sur terre que tu peux accéder à ces choses-là si tu étais croyant et alhamdulillah قال من الناس هم يتنعمون في نعم الله في الدنيا هم مسلمين مؤمنين أغنياء يتنفعون ولكن الحمد لله يزكوا يصدقوا يديروا الخير يعاونوا المساجد يعاونوا الفقراء المحتاجين واحد يعد الزواج يعاونوا في الزواج واحد ما عندوش خدمة يعاونوا في الخدمة إلى آخره كان بزاف من الناس هكذا يقول الحمد لله يتنعموا بنعم الله وما ينسوش يعني واجباتهم أمام الله Il y a beaucoup de gens qui sont des gens riches, des bourgeois, mais ce n'est pas parce que tu es un riche et un bourgeois que ça veut dire que c'est mauvais. Non. Il y a des gens, alhamdoulilah, ils donnent leur zakat, ils font sadaqat, ils aident les nécessiteux, ceux qui sont des fois dans la difficulté, ils viennent en aide, etc. etc. Et en plus de ça, ils profitent des bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Un manan al-Qabd al-Wok, là. Ou bien je vais m'enterrer avant l'heure. Là. Maintenant, c'est notre arbre de l'air. الذين يتجولون في المساجد ويقولون للناس اتركوا هذه الدنيا لا non on dit pas comme certaines personnes qui font des touristes de mosquée en mosquée et après vont dire oui maintenant il faut délaisser la vie d'ici bas la dunya c'est rien que la vie c'est rien que la vie سبحان الله واحد البارح تحتاني تلاقي بدي في الطريق وش راك لاباس لاباس الحمد لله لاولادهم لاباس هم لاباس الحمد لله وانت واش تزوج ولا مازال قال لي انا مازال قلت له انتم ما تزوجوش انتم C'est normal, parce que l'ouage a une chose à la dunya, dunya, dunya, ou on a maramèche avec cette dunya. Voilà. Il me pose la question, comment ça va bien, la famille, tout va bien. Je lui dis, toi, tu t'es marié finalement? Il me dit, non, moi, je ne suis pas encore marié. Je lui dis, c'est normal, toi, tu ne te maries pas, quoi. Parce que pour vous, le mariage, c'est quelque chose de la vie terrestre, et comme vous ne vivez pas sur terre, alors... وواضح من هذا أن الله أمرنا بالسعي للحصول على الرزق والسعي سبب للرزق نعم الله سبحانه وتعالى c'est lui qui nous pousse à mettre en application des causes et سعي le fait de rechercher ici par exemple risque la pourvoyance c'est une cause quelqu'un qui va travailler le matin jusqu'au soir et il a un loyer à payer il a une famille à nourrir il a l'électricité, il a le téléphone, tout ça. On va dire à ces gens-là, ah non, non, non, il faut délaisser le travail, il ne faut pas travailler. Masha'Allah. Masha'Allah, la jahl. Ou qu'il me dit, il y a un zagdak. Arrachim tu l'hawiya, arrachim. Arrach, t'akhdem tu l'dunya, t'akhdem tu l'dunya. Naam. Donc, qu'ulna, wassani, sababun, warrifku, al-natija. Al-sa'i, le fait d'aller chercher du travail le matin, de se bouger un peu. Il faut arrêter de toujours compter sur le RMI et le chômage. RMI, RMI, RMI, chômage, chômage, chômage, ça fait des gens paresseux. Ça fait des gens qui ne travaillent plus. Et je ne parle pas de nos vieux. Nos vieux, ils ont travaillé. Khadmo, je suis au Khatarna, je dis Allah Bekhir. Nardala de Kalam Shabbat. Gardez le RMI ou le chômage, il pointe tout, il pointe tout. Eh, Shada, un ta musulman, après Arafek. Il y a de l'itmetrim, il y a de l'itchid. La main qui donne est préférable à celle qui reçoit. Jusqu'à quand tu vas faire la mendicité? T'as pas de respect, t'as pas d'honneur, on dit Sharaf. Un chata. RMI, on t'a tout cassé. Nos vieux, on parle pas de nos vieux. Nos vieux, ils ont travaillé, ils ont tout faire. Pour moi et pour toi, pour pas que moi aussi je suis jeune comme vous. Eux maintenant, s'ils méritent de se reposer, ils l'ont mérité. Malgré ça, ils se reposent même pas. Il y a toujours des enfants dans la famille. Yadim Mayakhadmous. Obligé, le père, il a encore 70 ans, il travaille ici. Il humble. Laisse-t'en. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. N'am. Qabla an yakul, avant qu'il dise ce qu'il va dire, jaa ila nabi sallallahu alayhi wa sallam arabi. Wa ma'ahu naqatah. Wa qala ya Rasulullah. Aqiluha wa atawakalu. An atlaquha wa atawakal. Ici, il y a un bédouin, il est venu voir le prophète, il avait son chameau. Il dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que je l'attache et je fais confiance à Rabbi, et je sais ce que j'ai à faire, ou je le laisse comme ça, et je sais ce que j'ai à faire? Qu'est-ce qu'il a répondu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, اعقلها وتوكل, attache-la et fais ce que tu as à faire. C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, كيف نتعامل بالأسباب. Tu vois? هذا مع العلم أن الله الذي خلق الكون بقول كون أصيت الله سبحانه وتعالى كأكثر ستخسر غير كذلك لفعل كون سوى قادر بلا شك أن يحفظ هذه الناقة من المضي بعيدا عن مراد صاحبها ولكن الله لم يشاء ذلك بل أمرنا باتخاذ الأسباب والحذر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء للنصر وكان معه الجيش الذي حسده للعدو والعدة الممكنة التي أعدها للقتال. نعم. Le prophète عليه الصلاة والسلام quand il a fait ses expéditions, quand il a fait ses batailles, il a pas simplement, il n'est pas simplement parti comme ça. Non, il a demandé, il a fait du'a. Et en plus de ça, il s'est préparé à cette expédition. Il est parti. Et ici, dans cet enseignement-là, on voit bien qu'est-ce que le prophète a répondu à ce bédouin. Il a dit non, tu l'attaches, après tu fais ce que tu as à faire. Et on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut la préserver, cette monture. On le sait. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas voulu cette chose. Et pour nous faire voir quoi ici? Qu'on doit prendre les causes. On doit faire les causes. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أما بعد. وعندما كان صلى الله عليه وسلم يدعو للشفاء كان يسرع إلى تناول الدواء وكان يقول للبروفات عليه الصلاة والسلام. Quand il était malade, il faisait du'a, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala la guérison. Ça, donc, c'est la première des causes, la du'a, l'invocation. Et il s'empressait d'aller prendre le médicament. Il s'empressait d'aller prendre quoi? Le médicament. Wa kana yaqul, ma anzala Allah min da' illa anzala lahu dawa'. Il n'a pas descendu une maladie sans qu'il ne lui ait descendu sa guérison, son remède. Non. وَقَالَ إِنَّ لِكُلِ الدَّاءٍ دَوَاءٍ فَإِنْ أُصِيبَ دَوَاءٌ الدَّاءٍ بَرِعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Il dit qu'à chaque maladie, il y a un remède. Si la maladie est touchée par le remède, il guérira بِإِذْنِ اللَّهِ. وَهَذَا بِأَمْرِ اللَّهِ. Parce que surtout que tu as deux personnes, ils ont la même maladie, ils vont voir le même docteur, ils ont le même traitement. Au bout de 15 jours, un est guéri, au bout de 15 jours, l'autre, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'autre, il meurt, il décède. Et si ça dit de même, il dit Allah. Si c'est qui donne la guérison, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y en a un, il a fait la cause, l'autre, il a fait la cause. Un, il a été guéri parce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. L'autre, il est mort parce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Inna li kulli da'in dawa. Fa ida usiba dawa'un. دواء الداء برئ بإذن الله. نعم الحديث أخرجه مسلم. وقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد وهو الهرم. ici le prophète عليه الصلاة والسلام dans ce hadith là il nous incite à nous soigner quand on est malade. pourquoi? parce que Allah صلى الله عليه وسلم a descendu toutes ses raisons aux maladies excepté la mort. la mort elle doit venir, elle doit venir. La mort, elle doit venir, elle doit venir. Ici, si je vous pose la question, où ça, ça sera dans 200 ans? Même si tu apportes la mort maintenant, la poulet, elle a un khaf min al-mot. Tu as peur ou tu n'as pas peur? Dans 200 ans, ça se fera. C'est tout. Ça doit venir, ça doit venir. Ça doit venir, ça doit venir. Dans 200 ans, tu ne seras plus ici. Na'am. وسيرة الصحابة رضوان الله عليهم وهم خير السلف على الإطلاق وخير من فهم الإسلام الفهم الرشيد والصحيح لأنهم عاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وشهدوا عصر التنزيل. نعم ممن نزل عليه الوحي الكريم فهذا عمر رضي الله عنه. Si on regarde dans la vie des fils prédécesseurs, on s'aperçoit que donc les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام, ils ont toujours mis en application ce qui leur a été donc révélé de la part du prophète صلى الله عليه وسلم. De la bouche du prophète alayhi salatu wasalam, bien sûr, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Omar ibn al-Khattab, on finira avec cette parole-là, qu'est-ce qu'il disait? Wa huwa khalifatu tani lil muslimin, c'était le deuxième calife des musulmans. Yusaddidu al-nakir ala ulaika alladina yamiluna ila al-kasali wal-futur wa yamkutuna fil masajid. Omar ibn al-Khattab, il était très sévère avec ces gens qui restaient dans les mosquées, ils avaient appris la paresse et qui ne bougeaient pas. Il était très sévère. Il rentrait dans la mosquée, il avait un grand bâton comme ça. Il dit, garde, non, t'ardem. Allez, laisse-moi, va travailler. Qu'est-ce qu'il va se faire ici? Omar ibn al-Khattab. Qu'est-ce qu'il leur disait? Il me coutouna fil masjid. Wa rahma dalika, aina gardin, wa rahm gardin, fil masjid. Il yaqra al-Qur'an, il dhukru rabbi, ou gardin yid'u. Alors, il dit, non, gardou, yalla. Levez-vous. Anharatun al-ibada, hagada. Oui. Qu'est-ce qu'il leur disait? يمكثون في المساجد يدعون الله أن يرزقهم يدمضي يا الله ارزقنا يا الله ارزقنا. نعم وقد أخذ ضرته وضربهم حتى أوجعهم il les frappait jusqu'à qu'ils avaient mal. ويقول, il leur disait, لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. Comment tu restes ici assis? Tu bouges pas, tu fais pas les causes et tu dis Allah donne-moi, Allah donne-moi. Tu crois que le ciel te peut voir de l'or et de l'argent? Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab. Quand l'islam était dans son ampleur, quand elle était au sommet, c'est parce qu'il y avait des hommes, rigel. Rigel, des hommes. Amal yom, il l'a même rahima rabbi maintenant. Et à chaque fois, on voit le problème des musulmans, le problème de l'islam dans le monde entier. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحسبنا يوم الحساب برحمتك نستغيث اللهم فهمنا الإسلام اللهم فهمنا الإسلام فهم صحيحا يا أرحم الراحمين لازم نحن نفهم هذا الإسلام ما دام لازم نفهم هذا الإسلام كل مرة نسمو الأخبار وكل مرة نشوف في الإذاعة وفي الجهاز إلى آخره هذا الإسلام هذا المسلم هذا الإنسان هذا المسلم ليش؟ سبب ذنوبنا وبعدنا على العلم وأداء الجهل فينا سبحان الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.